Chapitre 2. Le père de Charles Deslauriers, ancien capitaine de ligne, démissionnaire en 1818, était revenu se marier à Nogent et, avec l'argent de la dot, avait acheté une charge d'huissier suffisant à peine pour le faire vivre. Aigri par de longues injustices, souffrant de ses vieilles blessures et toujours regrettant l'empereur, il dégorgeait sur son entourage les colères qui l'étouffaient. Peu d'enfants furent plus battus que son fils. Le gamin ne cédait pas, malgré les coups. Sa mère, quand elle tâchait de s'interposer, était rudoyée comme lui. Enfin, le capitaine le plaça dans son étude, et tout le long du jour, il le tenait courbé sous son pupitre, à copier des actes, ce qui lui rendit l'épaule droite visiblement plus forte que l'autre. En 1833, d'après l'invitation de M. le Président, le capitaine vendit son étude. Sa femme mourut d'un cancer. Il alla vivre à Dijon. Ensuite, il s'établit marchand d'hommes à Troyes, et, ayant obtenu pour Charles une demi-bourse, le mit au collège de Sens, où Frédéric le reconnut. Mais l'un avait 12 ans, l'autre 15. D'ailleurs, 1000 différences de caractère et d'origine les séparaient. Frédéric possédait dans sa commode toutes sortes de provisions, des choses recherchées, un nécessaire de toilette par exemple. Il aimait à dormir tard le matin, à regarder les hirondelles, à lire des pièces de théâtre, et regrettant les douceurs de la maison, il trouvait rude la vie de collège. Elle semblait bonne au fils de l'huissier. Il travaillait si bien qu'au bout de la seconde année, il passa dans la classe de troisième. Cependant, à cause de sa pauvreté ou de son humeur querelleuse, une sourde malveillance l'entourait. Mais un domestique, une fois, l'ayant appelé « enfant de gueux », en pleine cour des moyens, il lui sauta à la gorge et l'aurait tué sans 3 maîtres d'études qui intervinrent. Frédéric, emporté d'admiration, le serra dans ses bras. À partir de ce jour, l'intimité fut complète. L'affection d'un grand, sans doute, flatta la vanité du petit, et l'autre accepta comme un bonheur ce dévouement qui s'offrait.